Nombre chapitre 9. L'Éternel avait aussi parlé à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte, en disant: que les enfants d'Israël fassent la Pâque en sa saison. Vous la ferez en sa saison, le 14e jour de ce mois, entre les deux vêpres, selon toutes ses ordonnances, et selon tout ce qu'il y faut faire. Moïse donc parla aux enfants d'Israël, afin qu'ils fissent la Pâque. Et ils firent la Pâque au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux vêpres, au désert de Sinaï, selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, les enfants d'Israël le firent ainsi. Or il y en eut quelques-uns qui, étant souillés pour un mort, ne purent point faire la Pâque ce jour-là, et ils se présentèrent ce même jour devant Moïse et devant Aaron. Et ces hommes-là leur dirent: nous sommes souillés pour un mort, pourquoi serions-nous privés d'offrir l'offrande à l'Éternel, en sa saison, parmi les enfants d'Israël? Et Moïse leur dit: arrêtez-vous, et j'entendrai ce que l'Éternel commandera sur votre sujet. Alors l'Éternel parla à Moïse, en disant: parle aux enfants d'Israël, et leur dis: quand quelqu'un d'entre vous, ou de votre postérité, sera souillé pour un mort, ou qu'il sera en voyage dans un lieu éloigné, il fera cependant la Pâque à l'Éternel. Ils la feront le 14e jour du second mois, entre les deux vêpres, et ils la mangeront avec du pain sans levain, et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et n'en casseront point les os, ils la feront selon toute l'ordonnance de la Pâque. Mais si quelqu'un étant net, ou n'étant point en voyage, s'abstient de faire la Pâque, cette personne-là sera retranchée d'entre ses peuples, cet homme-là portera son péché, parce qu'il n'aura point offert l'offrande de l'Éternel en sa saison. Et quand quelque étranger qui habitera parmi vous, fera la Pâque à l'Éternel, il la fera selon l'ordonnance de la Pâque, et selon qu'il la faut faire. Deux, il y aura une même ordonnance entre vous, pour l'étranger et pour celui qui est né au pays. Or, le jour que le pavillon fut dressé, la nuée couvrit le pavillon sur le tabernacle du témoignage, et le soir elle parut comme un feu sur le tabernacle, jusqu'au matin. Il en fut ainsi continuellement, la nuée le couvrait, mais elle paraissait la nuit comme du feu. Et selon que la nuée se levait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël partaient, et au lieu où la nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël y campaient. Les enfants d'Israël marchaient au commandement de l'Éternel, et ils campaient au commandement de l'Éternel, pendant tous les jours que la nuée se tenait sur le pavillon, ils demeuraient campés. Et quand la nuée continuait à s'arrêter plusieurs jours sur le pavillon, les enfants d'Israël prenaient garde à l'Éternel, et ne partaient point. Et pour peu de jours que la nuée fût sur le pavillon, ils campaient au commandement de l'Éternel, et ils partaient au commandement de l'Éternel. Et quand la nuée y était depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se levait au matin, ils partaient, fût-ce de jour ou de nuit, quand la nuée se levait, ils partaient. Que si la nuée continuait de s'arrêter sur le pavillon, et y demeurait pendant deux jours, ou un mois, ou plus longtemps, les enfants d'Israël demeuraient campés, et ne partaient point, mais quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient donc au commandement de l'Éternel, et ils partaient au commandement de l'Éternel, et ils prenaient garde à l'Éternel, suivant le commandement de l'Éternel, qu'il leur faisait savoir par Moïse.